Au-dessus de la ville, comme un ovni. Bouteille de whisky, j'suis dans l'A7. C'est fantastique, j'suis dans la street. On fait du liquide, ils sont à sec. Au-dessus de la ville, comme un ovni. Bouteille de whisky, j'suis dans l'A7. C'est fantastique, j'suis dans la street. On fait du liquide, ils sont à sec. On fait du liquide, ils sont à sec. Bouteille de whisky, j'suis dans l'A7. On fait du liquide, ils sont à sec. Parle haut et fort de la rue et ses vices car je la connais bien. T'es mort dans le film, arrête ton cinéma, tu n'es qu'un comédien. C'est les couleurs du jeu donc la concu risque de voir rouge. Maman s'inquiète car son fils est dans des histoires louches. Marche avec vrai loup du hood, très loin de ses mails. Tout j'ai perdu quelques frères en route mais bon vas-y c'est le mec. Tout va passer douloureux, parfois j'ai rêvé de quitter la ville. Favorisé par Dieu donc le shétan veut retuter ma vie. Bloqué par la thèse, bloqué dans la caisse pendant des heures dans ma tête. Des questions je me pose, que des hypocrites. Je crois pas au compte de fées, est-ce que la belle se serait tapée la bête si celle-ci était pauvre. Le temps c'est de l'argent mais pour faire de l'argent faut du temps. J'ai plus le temps d'en avoir peur et pourtant j'ai peur du temps. Peu importe le temps que ça prendra, on finira par la mettre. La douleur devient une arme une fois contrôlée par un maître. La rancœur peut aussi changer tous les paramètres. Mon hypothèse Marine Le Pen a dû se faire tromper par un nègre. Je ne comprends pas pourquoi tu m'harcèles bébé. Bruxelles capitale tout est bleu jusque Marseille bébé. Mon plus grand regret c'est de ne jamais en avoir. Hein. En face que des aveugles, eux et nous, rien à voir. Au-dessus de la ville, comme un ovni. Bouteille de whisky, j'suis dans l'A7. C'est fantastique, j'suis dans la street. On fait du liquide, ils sont à sec. Au-dessus de la ville, comme un ovni. Bouteille de whisky, j'suis dans l'A7. C'est fantastique, j'suis dans la street. On fait du liquide, ils sont à sec. On fait du liquide, ils sont à sec. Bouteille de whisky, j'suis dans l'A7. On fait du liquide, ils sont à sec. Bouteille de whisky, j'suis dans l'A7. Tu reconnais le Marseillais au lexique. Ils veulent la paix mais ceux qui nous excitent. Maintenant les petits ils veulent faire Uber shit. J'suis comme toi parce que c'est la même jusqu'en Belgique. J'ai des potos qui vont au spy, d'autres à la spip. T'as mon certif qui disent que j'ai racheté la snap. Tu me veux en showcase, prépare les élastiques. Et j'ai tellement de taf que bébé fait la tête. À Bercy j'fais trembler les murs un peu comme ton pot. Ils ont du mal à s'en remettre quand j'envoie des combos. On a des millions de dossiers sur toi, tu peux faire ton beau. Et quand y'a le mauvais temps chez toi, ben c'est l'ovni qui le rend beau. Surveille ton dos, la voisine dit qu'en bas le matin y'a les condés. Issus d'un quartier inconnu, maintenant j'stream à Toronto. J'ai tellement connu de fils d'eux que j'peux plus les compter. J'ai repris la potion, j'suis dans le 4 motion. J'ai un peu d'émotion, j'dois garder mes notions. Bébé, I love you, tiens, moi t'es trop simple. J'te laisserai pas pour elle, même si elle a des beaux seins. J'suis tranquille, j'suis pas ma DSP, le Sancho. J'fais sa chicha, et moi, j'ai le cœur blessé dans le féfé. J'écoute Aïcha, j'suis tranquille. Au-dessus de la ville, comme un ovni. Bouteille de whisky, j'suis dans l'A7. C'est fantastique, j'suis dans la street. On fait du liquide, ils sont à sec. Au-dessus de la ville, comme un ovni. Bouteille de whisky, j'suis dans l'A7. C'est fantastique, j'suis dans la street. On fait du liquide, ils sont à sec. J'ai on fait du liquide, ils sont à sec. Bouteille de whisky, j'suis dans l'A7. On fait du liquide, ils sont à sec. J'ai bouteille de